Metal Express avec Eric. Amateurs de sensations fortes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Eric avec vous donc pour vous accompagner dans le Metal Express, comme chaque lundi de 19h à 21h. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, que nous avons également des partenariats radio, il y a Radio Fréquenzik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Radio Heavy Metal a également sa page Facebook, mais ça vous le savez, il y a également la page Facebook du Metal Express si vous avez envie de me laisser un petit message. Vous n'hésitez pas, on va commencer l'émission donc du Metal Express très fort avec beaucoup de nouveautés. On va commencer d'ailleurs avec Dee Snider, extrait de son nouvel album intitulé For the Love Metal, et le morceau qu'on va écouter s'intitule I Am the Hurricane, suivi de Firewolf, extrait de leur nouvel album également intitulé The Sacrament of Sin, et puis on finira derrière avec Satanas avec le morceau Sacramentum. Allez, bonne écoute, vous êtes dans le Metal Express et on est ensemble jusqu'à 21h. You're desperate only. of the moon when our lives are lost. In the dark when your blood is calling, in the dusk when the fever crawling. In the night came to kill us with the cross. C'est seulement ici. Et oui, c'est l'exclusivité et ça s'appelle Elix, un groupe français donc. Ils nous viennent de Toulouse et puis ils ont une page Facebook. Vous pouvez aller y faire un petit tour, vous pouvez même les écouter sur Bandcamp. Le morceau qu'on va écouter s'appelle « Souffre avec moi ». Allez, voici Elix. Je vous rappelle donc que ce groupe s'appelle Elix, ils sont toulousains, ils nous jouent un rock metal électro, donc vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook, et puis vous pouvez également les écouter sur Bandcamp, et puis bah voilà, et je repasserai un morceau tout à l'heure, donc dans la deuxième heure. Allez, voici maintenant un groupe qui s'appelle le Creeping Flesh et ce morceau s'intitule Airborne, suivi de Tokyo Blade avec The Devil's Gonna Bring You Down. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Allez, on a fait une petite erreur, mais on va commencer avec Tokyo Blade. Ça s'appelle donc The Devil's Gonna Bring You Down. We'll be right back. Le groupe s'appelle donc Creeping Flesh avec le morceau Airborne. Et juste avant, on a eu Tokyo Blade. Allez, maintenant, voici Sunstorm avec le morceau The Road to Hell, suivi de Immortal avec Into Battle Ride. Bonne écoute! Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Sword of thunder and light, and the rise of the darkness, and sound when he says, le groupe Immortal, toujours aussi excellent, le morceau qu'on a écouté, Into Battle Ride. Allez, maintenant, voici Manspell, et c'est en live, ça s'appelle Opium, suivi de Lady Catman avec Fighting For You. Allez, bonne écoute. De métal, t'aimerais qu'il soit diffusé? Pour ça, contact Radio et Vie Métal sur Facebook. Ce groupe donc s'appelle Lady Catman et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Fighting For You. Allez, maintenant je vous propose deux nouveautés. Donc voici The Eternal, le morceau s'appelle Rise From Agony, suivi de Wrestling avec Let's Go Burn. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h. We'll be right back. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Wrestling, et puis à l'instant ce morceau, donc c'était Let's Get Burn, et puis juste avant on a eu The Eternal, donc un groupe de doom metal avec un très très long morceau. Allez, maintenant on va poursuivre avec deux autres nouveautés. Voici en premier Destroyer Attack avec le morceau Supremacy of the Evil and Chaos, suivi de Head Guy avec Paradise. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We'll be right back.

revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour ça, contacte Radio Heavy Metal sur Facebook. Et oui, rien de plus simple, donc de nous contacter sur la page Facebook. Et puis vous pouvez également nous contacter pardon, sur la page du Metal Express si vous avez envie de passer à l'antenne. Comme j'ai du retour, j'ai du mal à parler, si on peut m'enlever le retour. Allez, maintenant on va retrouver le groupe Helix, donc un groupe français. Le morceau qu'on va écouter s'appelle « Vent de liberté ». Et je vous rappelle donc qu'ils sont toulousains, ils nous font un rock. Ils ont une page Facebook, décidément j'ai toujours le retour et j'ai du mal à parler. Donc je disais, ils ont une page Facebook, vous pouvez aller y jeter un œil. Et puis également, vous pouvez les écouter sur Bandcamp. C'est excellent, c'est un excellent groupe de rock. Allez, on va écouter Helix, ça s'appelle « Vent de liberté ». Et puis, juste derrière, il y aura Mass of Terror avec Hatred and Repression. Liberté. Of Terror, excellent groupe de thrash metal avec le morceau A Thread and Reflection. Allez, maintenant, bah, c'est une petite dédicace, donc ça c'est pour Valérie Robas. Elle a eu, je ne sais plus quel âge, j'ai même pas l'âge, c'était son anniversaire en tous les cas hier. Donc bon anniversaire Valérie. Voici Jamie Lee Smith et le morceau qu'on va écouter s'appelle Revive. Allez, ça c'est pour toi Valérie. T'es un problème avec un grand pays. Mais je savais t'avais quelque chose en toi. Donc c'était Jamie Lee Smith et avec le morceau Revivre. C'était un morceau donc que j'ai dédié à Valérie Robas, c'était son anniversaire hier, donc bon anniversaire Valérie. Allez, voici maintenant Hackett avec le morceau Silent Genocide, suivi de Apophis Theory avec Eclipse the Sun. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Aligned. Yeah. Ce groupe s'appelle Apophis Theory avec le morceau Eclipse Sun. Allez, voici maintenant deux nouveautés. Voici Tribulence avec Walk the Talk, suivi de Tyranno avec Black Soul of Discord. Bonne écoute! Daily quarantine. Voilà, donc le groupe s'appelle le Tyranno et c'est sorti le 22 juin 2018. C'est du très bon death thrash metal. L'album s'appelle Scroll Horns and Lust. Allez, voici maintenant deux nouveautés encore. Ça s'appelle le groupe Blood of Serpents avec Open Waters Dark, suivi de Mystic Force avec Broken Heroes. Bonne écoute sur Radio Heavy Metal, également sur fréquence Zik, un des Spirits et Canal Fuzz Radio. Yeah. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. S'appelle Mystic Force avec Broken Heroes. Allez, maintenant, voici Nightclub et ça s'appelle Scary World. Time. Le groupe s'appelle Nightclub avec Scary World. Allez, juste derrière, on va avoir Atlas avec Skinwalker. Donc, allez, bonne écoute. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. On se retrouve donc lundi prochain à la même heure, donc 19h-21h. Je vous rappelle donc que cette émission sera rediffusée donc sur Fréquence Zik mercredi de 22h à minuit, également le dimanche à partir de 21h jusqu'à 23h. Et puis l'émission sera également rediffusée sur Canal Fuzz Radio demain de 20h à 22h. Voilà. Et puis il y aura le podcast donc sur la page Facebook de Radio Heavy Metal et également sur la page de Facebook Metal Express. Voilà, j'ai tout dit. « N'oubliez pas que si vous êtes un groupe de métal, un groupe de rock, si vous avez envie de passer à l'antenne, n'hésitez pas à m'écrire. Vous écrivez sur la page Facebook du Metal Express ou bien sur la page de Radio Heavy Metal et puis on vous répondra. Et puis bah, vous passerez à l'antenne sans problème. Donc je rappelle, podcast demain matin sur la page Facebook du radio, bah de Radio Heavy Metal et puis de Metal Express. Allez, moi je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à lundi. Allez, ciao !